Thank you. One love the way it used to be. City like many walk ready to fight. I close my eyes, see you and me driving. I believe if you are the ocean. Got the radio on, got the wedding motion. I want to strike a track. Je vais la refaire. 1, 2, 3, 4. Rise again. You and I, grass again. J'avais auto-pitch, merde. John Lennon, imagine. Imagine there's no people living anymore. Imagine there's no people. J'ai pas toutes les paroles. MRZ, I follow you, MRZ, I follow MRZ. Bah, faut que tu trouves le tempo. C'est pas mal ça. C'est quoi le tempo? Je vais garder la même drum, the same drum. Vas-y, cale-toi là-dessus. ce que tu faisais tout à l'heure. Ça y est, il a perdu l'idée. C'est pas grave, tu fais. J'en ai une à te proposer. Si ce soir. Hey, écoute ça. Et si ce soir on dansait le dernier slow, comme si l'air du temps se trompait de tempo. La la la. Thank you.